بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاليوم هو 22 من شهر ذي القعدة عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل فيه في الدرس 15 في دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. Aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 2013 et nous entrons Incha'Allah Ta'ala dans le 15e cours du livre شمائل النبي صلى الله عليه وسلم, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine dernière, on s'est arrêté dans le chapitre qui concerne la manière de manger du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Bab sifati akli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, on a vu que le prophète alayhi salatu wa sallam mangeait avec ses trois doigts. كان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه الثلاث. Il mangeait avec ses trois doigts. عليه الصلاة والسلام. On a vu aussi qu'il léchait ses trois doigts après manger, et qu'il nous a donné l'ordre à nous les musulmans, de façon recommandée et non obligatoire, de lécher ses doigts avant de les essuyer. Et on a vu que dans cela, Allah tabaraka wa ta'ala met une baraka. Le dernier chapitre de ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, yaqul utiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bitamrin fara'aytuhu ya'kulu wa huwa muq'in min al-ju' alayhi salatu wa salam. Ce hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu est une information concernant une façon de manger qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam des dattes. Et quand Anas a regardé le prophète alayhi salatu wa sallam pendant qu'il mangeait ses dattes, il était assis dans une position qu'on appelle en arabe al-iqa'a. Celui qui s'assoit dans cette position, nous disons de lui qu'il est muq'in dans la langue arabe. Et ce terme-là a deux significations. Le premier, c'est le fait de s'asseoir en posant son dos sur un mur ou sur quelque chose. Le fait de s'asseoir en étant adossé. Et la deuxième signification de ce mot, c'est celui qui est visé par ce hadith. Donc, vous voyez que dans la traduction, ils disent « Je le vis alors manger en étant assis, adossé, à cause de la faim. » Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit que ce n'est pas le sens voulu par ce terme ici dans ce hadith, mais que ce qui est voulu, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mangé ses dattes, il était assis dans cette position qu'on appelle al-iq'a. Al-iq'a, c'est le fait de s'asseoir sur les jambes qui seront repliées, et c'est-à-dire que la personne qui s'assoit les cuisses sur les mollets. Elle plie ses deux jambes et elle s'assoit, elle pose ses cuisses sur ses mollets et ses deux pieds derrière restent levés. Les orteils en direction de la qibla ou autre, les orteils posés sur le sol et le plat du pied en l'air. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ou je vous la fais? Je vais vous la faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mangé ses dattes, était assis dans cette position. Et l'imam Ahmad rahimahullah a rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit « Uhdiya li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tamrun فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع عليه الصلاة والسلام. Anas ibn Malik nous dit, on a offert au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des dattes. Il s'est mis alors à les partager. Le prophète alayhi salatu wa sallam, ce jour-là, on lui a offert des dattes, avait faim. Et les sahaba radiyallahu anhum aussi. Quand on lui a apporté ces dattes en cadeau, pourquoi en cadeau? Car le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas le droit d'accepter la sadaqa. Il n'a pas le droit d'accepter l'aumône, mais il a le droit d'accepter le cadeau. Donc, un compagnon lui a offert ses dattes. Il les a pris alors que lui-même avait faim, alayhi salatu wassalam, et s'est mis à les partager. Et il s'est mis à les partager pour ses compagnons qui eux aussi avaient faim. Anas ibn Malik nous dit que c'est lui qui avait la charge justement d'aller donner la part à chacun parmi les sahaba, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait terminé le partage des dattes pour ses compagnons. Alors à ce moment-là, il s'est mis à en manger, alayhi salatu wassalam. Puis Anas nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a mangé ses dattes, il était assis avec cette position que l'on a décrite, et que quand il mangeait vite, alayhi salatu wassalam. Alors Anas a compris que le prophète était affamé et qu'il avait faim, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette position que l'on a montrée, c'est la position de celui qui est pressé. Il est pressé quand il veut manger. Alors il se pose rapidement comme cela et il mange les dattes les unes après les autres, sans répit et sans attendre. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam nous montre ici plusieurs choses. Parmi ce qu'il nous montre, la modestie qu'il a dans sa façon de s'asseoir quand il mange, alayhi salatu wa sallam. Deuxièmement, la générosité qu'il a, car rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wa sallam avait faim, et quand on lui a donné ses dattes, il ne s'est pas pressé de les manger, mais il a d'abord donné aux sahaba, il a d'abord donné aux compagnons radiyallahu anhum. Et seulement après qu'il ait distribué la part de chacun à chacun, il s'est mis à manger la sienne, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'assise qui nous a été décrite. Donc on voit une des assises du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et ce qui l'a poussé à s'asseoir comme cela, c'est la faim, alayhi salatu wa sallam. Et avec ce hadith, nous terminons le chapitre concernant la manière de manger du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons passer au chapitre suivant. Mais avant, on va revenir au chapitre concernant le train de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce chapitre, souvenez-vous qu'on a vu la parole du compagnon radiyallahu anhu, qui est Amr ibn al-As, dont nous allons lire un passage. Pardon, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, dans ce hadith, vous vous souvenez qu'il dit qu'il est le premier à avoir fait couler le sang pour Allah, azza wa jal. Il est le premier à avoir combattu l'ennemi et à avoir lancé une flèche pour Allah, azza wa jal. Vous vous souvenez qu'il se défendait parce qu'on l'avait accusé. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il était al-Khalifa, le gouverneur des musulmans, a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas en Irak pour être le gouverneur sur place. Et c'est lui qui dirigeait les prières. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a envoyé une personne ou des personnes en Irak pour aller voir comment était Sa'd ibn Abi Waqqas avec les gens, radiyallahu anhu. Et ces personnes faisaient les tours des mosquées pour interroger les fidèles. Et chacun disait que Sa'd ibn Abi Waqqas était un homme juste, un homme bon. Quand ils sont arrivés à une personne qui s'est levée et qui s'est mise à dire que Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, n'accomplissait pas correctement la prière, la yuhsinu salah, Il a dit que Saad ibn Abi Waqqas n'accomplissait pas correctement la prière. Vous vous souvenez de ce hadith? Vous vous souvenez de ce hadith? Il y avait juste une chose à rajouter dans cette histoire. C'est que Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu an, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre cet homme. Et il a dit, dans le sens de sa parole, Allahumma, in kana hadha qama linnasi maqama riya, oh Allah, si cet individu qui a parlé s'est levé devant les gens par ostentation, il s'est levé pour se montrer devant les gens, il dit, fa'atil umrahu wa'iridhu lil fitan. Alors, allonge son âge, allonge sa vie et expose-le aux tentations. Donc il a invoqué Allah Azza wa Jal contre lui. Oh Allah, si cette personne a fait de l'ostentation, allonge sa vie et expose-la aux troubles et expose-la aux tentations. Cet homme-là a vécu jusqu'à un âge tellement avancé que ses paupières tombaient sur ses joues. Il était vieux et il allait dans les marchés et il regardait les femmes qui marchaient. Alors, il a dit, Asabatni da'watu Sa'd. L'invocation de Sa'd m'a touché. Et dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation de celui qui est opprimé, qui est injuste, al-mazloum. Donc, c'était juste une information concernant cette histoire. Le chapitre suivant, Bab ma ja'a fi sifati khubz Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant le pain du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Le chapitre concernant le pain du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Comment était le pain qu'il mangeait? Est-ce qu'il en mangeait beaucoup alayhi salatu wa salam? Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam mangeait le pain jusqu'à être rassasié, shab'an? Voilà pourquoi l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith. Et donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait du pain, yarhamukallah. Le premier hadith qui est rapporté est le hadith de Aisha radiyallahu anha. Annaha qalat, ma shabi'a al Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min khubzi sha'ir yawmayn mutatabi'ayn hatta qubida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiyallahu anha nous dit que la famille de Muhammad alayhi salatu wa salam ne s'est jamais rassasié du pain d'orge. L'orge, c'est un grain avec lequel on fait du pain. Et à peu près le pain d'orge, khubz sha'ir, c'est le pain rond. Vous voyez le pain rond? C'est à peu près ça qu'on appelle khubz sha'ir. La famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais rassasiée de pain d'orge pendant 2 jours consécutifs, cela jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Donc, la personne qui nous donne cette information, c'est Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha radiyallahu anha est plus à même de connaître ce que mange le prophète alayhi salatu wa sallam et sa famille, car elle vit avec lui, elle vit dans sa maison sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi elle nous a donné des informations concernant des choses que seule elle pouvait savoir parfois. Ici elle nous dit que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rassasiait jamais de pain d'orge pendant 2 jours consécutifs jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on apprend ici que le prophète alayhi salatu wa sallam mangeait khubz sha'ir, le pain d'orge, mais on apprend aussi qu'il ne mangeait pas ce pain jusqu'à en être rassasié, et cela jusqu'à sa mort. Donc il découle de ça que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas rassasié, lui et sa famille, du pain d'orge pendant 2 jours consécutifs, alors à plus forte raison d'autres nourritures. Si le prophète alayhi salatu wassalam n'arrivait pas à manger du pain jusqu'à être rassasié, que dire alors de la viande? Que dire alors des autres nourritures sallallahu alayhi wa sallam? Hadith suivant. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه, ce noble compagnon, nous dit que dans la maison du prophète صلى الله عليه وسلم il ne restait pas en plus de pain d'orge, radiyallahu anhu. Il ne restait pas de pain d'orge en surplus auprès des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que les gens, quand ils ont de la nourriture chez eux, ils ont toujours, en général, ils ont toujours de quoi manger. Il reste toujours du pain, il reste toujours de la viande, il reste toujours de la nourriture. Mais dans la maison du prophète alayhi salatu wa sallam, il ne restait plus de pain. Ça veut dire que le pain qu'il mangeait n'était pas suffisant. Car s'il était suffisant, il en resterait. Mais le fait qu'il n'en reste pas montre, indique qu'il n'en avait pas assez. Sallallahu alayhi wa sallam. Lui et sa famille. Et cela nous montre que ce bas monde n'a aucune valeur chez Allah. Azza wa Jal. Ce bas monde n'a aucune valeur chez Allah, car le prophète alayhi salatu wassalam est la créature préférée d'Allah, comme vous savez, afdal al-khalq indallah. Et malgré ça, il ne trouvait pas de quoi manger parfois, et quand il trouvait, il ne trouvait pas de quoi se rassasier, et il ne restait pas dans sa maison du pain d'orge. Et dans cela, on comprend que la dunya n'a aucune valeur chez Allah. Et que ce qui a de la valeur chez Allah, Azza wa Jal, ce n'est que la foi en Allah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, si ce bas monde avait chez Allah la valeur de l'aile d'un moustique, ما سقى منها كافرا شربتنا, il n'aurait pas donné à boire à un mécréant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup à ces gens qui ne croient pas en lui et qui adorent autre que lui, ça ne veut pas dire qu'il les aime. Et que quand Allah azza wa jal donne beaucoup à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il l'aime forcément. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah donne de cette dunya, de ce bas monde, à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Donc ça n'a aucune importance d'avoir ou de ne pas avoir. Ce n'est pas un signe qui montre l'amour d'Allah, Azza wa Jal. Comment on fait alors pour savoir qu'Allah nous aime? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Wa innama yu'ti ad-din liman yuhib » et il ne donne il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Quand Allah aime quelqu'un, il lui donne le din, il lui donne la religion, il lui donne la foi en Allah, en ses noms, en ses attributs. Il va l'aider pour qu'il n'adore qu'Allah, Azza wa Jal, seul, sans associé. Il ne va invoquer qu'Allah, ne placer sa confiance qu'en Allah, Azza wa Jal. Il va l'instruire dans sa religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion, il lui fait comprendre sa religion. Il lui fait comprendre le Coran, il lui fait comprendre la Sunna. Cette personne-là est celle à qui Allah a voulu du bien et est celle qu'Allah Azza wa Jalla a aimé. Mais la personne qui a de cette dunya, ça ne veut rien dire. Des fois, cette dunya peut être une baraka pour la personne, un bien et une bénédiction, mais des fois, cette même chose peut être une niqma pour la personne. Une tentation, une vengeance d'Allah, Azza wa Jal, ce qu'on appelle en arabe, al-istidraj. Al-istidraj, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse la personne qui désobéit s'enfoncer dans sa désobéissance en lui donnant encore plus des bienfaits, de l'argent, la santé, la dunya et tout ce que cette personne souhaite, jusqu'à ce que cette personne croie qu'elle est aimée d'Allah Azza wa Jal, jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal reprend cette personne et se venge d'elle. C'est pourquoi les salaf salih, les pieux prédécesseurs parmi les sahaba radiallahu anhum et tabi'un et leurs suiveurs, les trois premières générations, quand ils avaient de la dunya, ils se sentaient éprouvés par Allah. Et l'un d'entre eux disait même, j'ai peur que ce soit une vengeance d'Allah sur moi. Donc voilà le regard que eux ils avaient de la dunya. Et voilà l'approche qu'ils avaient de cette dunya. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de quoi se rassasier pendant 2 jours. Il ne restait pas un surplus de pain chez lui, alayhi salatu wa sallam. Le hadith suivant, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما qui est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abbas, qui est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa famille passaient des nuits successives dans la faim sans avoir de quoi dîner. Le pain dont ils disposaient le plus était le pain d'orge. Des nuits qui passaient les unes après les autres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas de quoi manger. Il ne trouvait pas de quoi manger, il ne trouvait pas de quoi nourrir sa famille, et ne trouvait pas de quoi nourrir ses compagnons, radiyallahu anhum. On a vu dans un chapitre que Abu Huraira, radiyallahu anhu, avait tellement faim qu'il tombait par terre et qu'il roulait sur le sol. À un point où l'un d'entre eux parmi les compagnons s'asseyait contre lui et posait sa jambe sur son cou en pensant qu'il était pris de folie ou bien en pensant qu'il était habité par un démon, alors que ce n'était pas le cas, mais ce n'était que la faim qui le poussait à faire ses crises. Abu Huraira radiallahu anhu et les compagnons mangeaient les feuilles qu'ils trouvaient dans les arbres. Ils arrachaient les feuilles, les mettaient dans leur bouche et les mangeaient parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger. Le prophète alayhi salatu wa salam, avec sa famille, passait des nuits entières dans la faim. Aïcha radiallahu anha nous dit qu'un jour une femme, parmi les femmes du sahaba, est venue voir Aïcha dans sa maison et lui a demandé de la nourriture pour ses enfants. Cette femme avait 2 enfants, 2 filles ou 2 enfants. Aïcha radiallahu anha est rentrée chez elle, donc chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a cherché à manger. Elle n'a rien trouvé, sauf 3 dattes. Alors elle a ramassé ces 3 dattes et les a données à cette femme. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a pris 1 date pour elle, 1 pour un enfant et l'autre pour un autre enfant. Quand les 2 enfants ont mangé leurs dattes, ils se sont regardés et ont regardé leur mère, car 1 date n'est pas suffisant pour être rassasié. Alors cette mère a coupé en 2 la date qu'elle avait pour elle et elle a donné la moitié à un enfant et l'autre moitié à un autre. Et Aïcha radiallahu anha est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner cette information, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup aimé ce que cette femme a fait. Tout ça pour montrer qu'il n'avait presque rien à manger. Comparé à nous aujourd'hui, on a presque tout à manger. Eux, ils avaient presque rien. Et aujourd'hui, combien de nourritures sont jetées dans la poubelle? Dans un temps où des gens ont faim et réclament. Et réclament à manger. Allah al-Musta'an. Le hadith suivant. عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارى؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نثريه ثم نعجنه. سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه compagnon nous donne une information. Quelqu'un est venu le voir et lui a dit أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارى. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a mangé le pain bien raffiné qu'on appelle en arabe النقي ou aussi الحوارى؟ النقي ou bien الحوارى c'est le pain qui est fait avec la bonne farine de bonne qualité, c'est la farine blanche. Al-Huwara, c'est une farine blanche qui a été pétrie ou comment dirais-je, qui a été raffinée et qui a été bien faite à un point où elle est pure et il n'y a pas les grumeaux ou bien les morceaux qui rendent cette farine dure quand elle va être cuite. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mangé un pain fait avec cette farine? Vous avez vu, vous avez entendu la question. Est-ce qu'il a déjà mangé? Écoutez la réponse. Le compagnon a dit, Sahl a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dont la farine a été blutée. Blutée, c'est le fait de passer la farine dans un filtre. C'est comme un filtre en fer et de faire bouger ce filtre et pour que la farine elle tombe en dessous de l'autre côté et tous les gros morceaux restent sur le filtre. C'est ce qu'on appelle en arabe al-minkhal. Ce qu'on appelle en arabe al-minkhal. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mangé un pain qu'on a fait avec cette farine-là, avec al-minkhal, avec ce filtre? Sahl a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a guère vu de pain, c'est-à-dire il n'a jamais vu de pain raffiné jusqu'à ce qu'il retourna à Allah azza wa jalla. Donc ici la question c'était est-ce qu'il en a déjà mangé, et la réponse est plus grande, il n'en a jamais vu. Comment il va en manger? Allahu Akbar, il n'en a jamais vu. On ne dit pas qu'il en a jamais mangé, plus encore il n'en a jamais vu sallallahu alayhi wa sallam. Alors la personne lui dit, aviez-vous des blutoirs à l'époque de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? هل كانت لكم مناخل؟ Est-ce que vous aviez ces ustensiles qu'on utilisait justement pour mettre la farine, puis faire bouger avec les deux mains cet ustensile et laisser la farine pure retomber en dessous? Est-ce que vous aviez ces ustensiles à cette époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et lui de répondre non, nous n'en avions pas. Comment faisiez-vous donc alors? C'est-à-dire, comment vous faisiez pour justement avoir cette farine-là? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Nous soufflions dessus et il s'en éparpillait alors. Ce qu'il s'en éparpillait, puis nous la pétrissions. Il n'avait pas ce filtre-là pour faire passer la farine. Alors qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait le tas de farine, il le posait par terre et il soufflait dessus. Il soufflait dessus, donc vous pouvez vous imaginer combien c'est fatigant. Il soufflait dessus, et donc la farine qui est pure, elle s'envole, elle va atterrir un peu plus loin. Et les morceaux qui sont gros, qui ne pourraient pas passer dans le filtre au cas où il serait utilisé, vont rester dans leur place. Puis il ramassait cette farine-là, qui était pure, et il s'en servait. Et il disait qu'il ramassait cette farine-là, ils émettaient de l'eau, ils la mélangeaient avec de l'eau pour en faire une pâte, et ensuite ils la pétrissaient. Kunna na'jinuhu, c'est-à-dire ils la pétrissaient jusqu'à ce que ça devienne une pâte, pour après la faire cuire et que ça devienne du pain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? La même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait modestement, alayhi salatu wa sallam. Le hadith suivant, عن Anas ibn Malik رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكر ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر. Encore une fois, c'est Anas ibn Malik radiallahu anhu qui nous rapporte cette histoire. Vous vous souvenez pourquoi Anas ibn Malik radiallahu anhu nous donne beaucoup d'informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Qui est-ce qui se souvient? Naam. Il était à son service, il a vécu dans sa maison pendant 10 ans. Il a vécu avec lui pendant 10 ans, donc il a vu beaucoup de choses. Ici, Anas ibn Malik radiallahu anhu dit مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى خِوَانِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur ce qu'on appelle en arabe al-khiwan. Al-khiwan, c'est une table. Al-khiwan, ce qu'on dit en arabe al-khiwan, c'est ce qu'on va utiliser, une chose qui est élevée, pour y poser de la nourriture pour la manger. Donc c'est une table. وَلَا فِي سُكُرُّجَ. Non plus, il l'a mangé sur ce qu'on appelle en arabe as-sukur rudya. Sukur rudya, c'est le nom que l'on donne à une petite assiette. Donc c'est un plat qui est petit sur lequel en général on pose les entrées quand on mange. Les entrées, les petites salades ou bien les autres nourritures de ce genre. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais mangé sur une table et n'a jamais mangé de nourriture sur une petite assiette. وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقْ. Et il dit qu'on ne lui a jamais fait de pain avec une pâte fine, le pain de la bonne qualité, alayhi salatu wassalam. Alors un homme a dit à Qatada, Qatada c'est un des rapporteurs du hadith, alors donc il lui dit, et cet homme là c'est un des rapporteurs du hadith qui s'appelle Yunus, il dit, je demandais à Qatada, sur quoi mangeait-il donc? S'il ne mangeait pas sur la table, et s'il ne mangeait pas sur les assiettes, alayhi salatu wassalam, dans les assiettes, sur quoi il mangeait? Et il dit, ala hadhihi soufar. As-soufar, le mot arabe soufar, c'est le pluriel de soufra. Et soufra, c'est le nom que l'on donne à la nappe. C'est un morceau de tissu, ou un morceau de cuir, et aujourd'hui aussi un morceau de plastique qu'on va poser par terre pour poser sur celui-ci de la nourriture pour le manger. Voilà comment mangeait le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne mangeait pas sur une table, il ne mangeait pas dans une assiette, il mangeait directement sur une nappe. Il posait la nourriture sur une nappe. Il était de juste milieu. Il ne mangeait pas directement sur le sol, car peut-être qu'il y avait de la saleté ou des impuretés. Et par modestie, il ne mangeait pas non plus sur une table, alayhi salatu wassalam, non plus dans une assiette, il mangeait avec les compagnons sur les nappes. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit de manger sur la table? Non. C'est permis de manger sur la table. Ce n'est pas interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala, de manger sur la table. Ici, Anas ibn Malik radiallahu anhu est celui qui nous rapporte cette information. Et Ibn Majah radiallahu anhu rapporte que Qatada, qui est celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé sur les nappes, Qatada lui-même a dit kunna na'ti Anas ibn Malik wa khabbazuhu qa'ima wa khiwanuhu mawdu'. Il dit que quand il venait visiter Anas ibn Malik radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il trouvait? Il trouvait que Anas ibn Malik radiyallahu anhu avait une table pour manger. Donc on voit que Anas ibn Malik nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais mangé sur une table, et lui il a mangé sur une table et il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wasallam. Donc ça veut dire que ce n'est pas interdit de manger sur une table, mais que le prophète alayhi salatu wassalam, min husni akhlaqihi, parmi ses bons comportements alayhi salatu wassalam, le fait qu'il ne mangeait pas sur une table. Et un des savants qui est Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah, Ibn al-Arabi, a dit que si tu manges, une explication brève de sa parole, si tu manges directement sur le sol, tu peux salir ton repas. Si tu manges sur une table, tu peux t'enorgueillir. Et la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est le juste milieu dans cela, le fait de manger sur une nappe, le fait de manger sur une soufra. Wallahu a'lam. Le hadith suivant, le chapitre suivant, car avec cela on a terminé ce chapitre concernant le pain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre concernant l'idam. Et le mot idam, c'est le mot qu'on utilise pour désigner ceux qui accompagnent le pain quand on mange, comme les petites sauces dans lesquelles on va tremper les morceaux de pain pour le manger, et de manière générale tout ce qui accompagne le pain, tout ce qui accompagne le pain. Donc ce chapitre ici va concerner ce sujet là comment était le idam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier chapitre est rapporté encore par Aïcha radiyallahu anha. Et concernant le dernier chapitre que je n'ai pas lu, du chapitre précédent, on ne l'a pas lu car il a été cité au début du chapitre. Dans celui-ci, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été rassasié de pain pendant 2 jours consécutifs. Comme on l'a déjà lu, on est passé au chapitre suivant. Le premier hadith, Aïcha radiyallahu anha nous dit بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامِ الْخَلِّ. C'est-à-dire, quel merveilleux accompagnement du pain qu'est le vinaigre. Ici, il nous parle du vinaigre. Il nous dit que c'est un bon accompagnement pour le pain. Et cela ne veut pas dire que c'est le meilleur, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Mais ce hadith a une histoire. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole? Quel merveilleux accompagnement pour le pain qu'est le vinaigre. Quand il est rentré chez lui sallallahu alayhi wa sallam un jour, il est entré chez lui et a vu qu'il n'y avait pas beaucoup à manger. Alors il a demandé à sa famille qu'est-ce qu'il y a à manger. Et sa famille lui a répondu, on n'a que du vinaigre. Alors pour les réconforter ou pour les consoler, il a dit, quel merveilleux accompagnement pour le pain qu'est le vinaigre. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit pourquoi il n'y a pas plus. Il a accepté la subsistance qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée ce jour-là chez lui, qui était du vinaigre. C'est pourquoi il a dit, quel merveilleux accompagnement pour le pain qu'est le vinaigre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit en arabe al-idam, on dit aussi al-udm. On dit al-idam et on dit al-udm. Ensuite, hadith suivant donc il est semblable, quel merveilleux accompagnement pour le pain qu'est al-udm, pardon, al-khal, le vinaigre. Ensuite, il a rapporté un hadith qu'on a lu dans un chapitre précédent, dans le chapitre concernant le train de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans lequel Simak ibn Harb rahimahullah a rapporté, selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, qu'il a dit, alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum, n'avez-vous pas ce que vous voulez de nourriture et de boisson? لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. J'ai certes vu votre prophète qui ne trouvait pas de quoi remplir son ventre avec des dattes, des dattes sèches. Donc, voici le hadith qui a été rapporté dans ce chapitre par l'imam Tirmidhi, rahimahullah. Et ici, on se pose une question. Pourquoi ce chapitre a été cité dans ce hadith, alors que pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre, alors qu'il concerne ce qui accompagne le pain? Et ici, on ne nous parle pas de pain. Cheikh Abdelrazzaq al-Abbad, hafidhahullah, a dit dans son explication du livre que peut-être qu'il y a une autre version du hadith où on nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, mangeait les dattes avec le pain. Donc ça serait la raison qui a poussé l'auteur du livre à citer ce hadith dans ce chapitre qui concerne l'accompagnement du pain ou ce qui accompagne le pain. Ensuite, le chapitre, le hadith suivant, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui nous dit la même chose que nous a dit Aisha radiyallahu anha, quel merveilleux accompagnement pour le pain, quel vinaigre. Ensuite, le hadith suivant, عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكلها. قال أدنو أي تقرب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. Donc, un tabi'i nous dit, nous étions chez Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, quand on est venu à lui avec de la viande de poulet. Donc, ses pieux prédécesseurs étaient assis entre eux, chez Abu Musa. Et une personne a apporté à Abu Musa du poulet pour le manger. Un des hommes s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart et a refusé de manger. Abu Musa lui a dit, Malak, qu'as-tu? Pourquoi tu te mets à l'écart et tu refuses de manger? Et celui-ci a dit, je l'ai vu manger quelque chose. C'est-à-dire, je l'ai vu manger quelque chose qui dégoûte la personne. Et ici, il n'a pas voulu dire quoi, pour ne pas dégoûter les gens qui sont autour de lui. Il dit, je l'ai vu manger quelque chose, j'ai donc juré de ne pas en manger. Donc, quand il a vu le poulet manger cette chose-là, il a dit, je ne mangerai pas cette viande-là. Et ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui ont cette pensée-là. On a des gens qui refusent de manger du poulet, car ils disent que le poulet mange de tout. Et des fois, il mange des choses qui sont sales. Donc je n'en mange pas. Il se prive d'une chose qu'Allah Azza wa Jal a rendue licite. Et c'est une chose qu'Allah n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Alors, Abu Musa lui a dit, rapproche-toi. C'est-à-dire, viens et mange avec nous. Et arrête de suivre cette pensée. Il dit, car j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger le poulet. Et donc ici, on a une tarbiya pour le musulman. On a une éducation pour le musulman, qui est que le musulman, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il regarde qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Si le prophète l'a fait, il ne doit pas s'interdire une chose. Il ne doit pas dire cette chose et ça, je ne la fais pas si le prophète l'a fait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas quelque chose qui est mauvais pour les gens ou qui est mauvais pour lui. Alayhi salatu wa sallam. Par contre, si tout simplement il n'aime pas le poulet, lahu dhalik. Cela lui est permis de ne pas en manger si son corps n'aime pas, s'il ne supporte pas. Mais s'il se prive de la chose, non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce que cette chose serait sale, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de cette chose, alors là, il est dans l'erreur. Et il doit se corriger. Et ne pas se priver ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a rendu licite. Et donc, nous allons, inshallah, nous arrêter ici. Nous allons, inshallah, nous arrêter ici et reprendre la semaine prochaine, inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.